Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? T'es mon grand frère et tu sais que je t'aime. Quand tu m'insultes, tu me fais de la peine. Je lâche des larmes sur mon cahier. J'ai encore la peau de l'épaule tout en taille. Ah grand frère, t'es complètement fêlé. Ah grand frère, j'ai du mal à me relever. Pourtant c'est qu'un ami, un enfant d'une bonne famille. Tout ça c'est minable, ce que tu me fais c'est abominable. Je ne suis pas comme les autres. Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Et ma petite sœur, tu fais mal à la tête. Et si je suis dur, c'est des fois je m'inquiète. Loin l'époque de la tétine, aujourd'hui t'es devenue une ado têtue. Papa n'est plus là pour voir toujours que tu veux. Maman pleure des larmes, à deux doigts de se tourner. Imagine que lui s'amuse avec toi, qu'il est avec une autre et qu'elle vit sous son corps. Mais imagine que lui il est déjà marié et tous les ans ils sont montés de la Rio. Je ne suis pas comme les autres. Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Évidemment oui tu me connais. Mes grands frères j'ai plus rien à prouver. Tant d'épreuves nous ont éprouvés. Et l'harmonie je souhaite retrouver. Évidemment oui tu me connais. J'ai plus rien à prouver. Tant d'épreuves nous ont éprouvés. J'ai plus rien à prouver. J'suis pas les autres. Je ne suis pas comme les autres. Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis comme ça?